Chapitre 4. Condamné à mort. Levez-vous. Ce rude appel frappa l'oreille du malheureux Bill Cody. Titubant de sommeil, il se leva et regarda autour de lui. Dans la solitude de la cellule où on l'avait enfermé, sa juvénile nature l'avait emporté sur toutes les angoisses de son esprit, et un sommeil réconfortant lui avait apporté l'oubli complet de ce qui venait de se passer. Maintenant, ce réveil brutal était doublement terrible. Il entendait le cliquetis des fusils, et plusieurs soldats le poussèrent au milieu d'eux. Puis il sortit au pas militaire de l'étroit et sombre trou dont on avait fait une sorte de cachot pour les prisonniers. C'est en vain que Bill avait demandé à ses sbires où ils avaient l'intention de l'emmener. Il n'avait point reçu de réponse. Sûrement le conseil de guerre s'était rassemblé pour prononcer son arrêt. Ah, Bill ne le savait que trop. Cette cérémonie n'était qu'une farce qui ne pouvait en rien changer son sort. Son arrêt, il avait été prononcé par le général Forrest, et avant le coucher du soleil, qui en ce moment luisait si bon et si chaud, ce terrible et sanguinaire arrêt serait mis à exécution. Les soldats avaient pris le chemin de la tente du généralissime où flottait le pavillon bleu-blanc-rouge. Sur ce chemin, des groupes de soldats curieux s'étaient formés dans les rues du camp. Tous voulaient voir l'espion voué à la mort. Le bruit s'était répandu dans le camp, comme le feu à une traînée de poudre, que le prisonnier serait pendu à la tombée de la nuit. Des apostrophes méprisantes, injurieuses, saluaient au passage Bill Cody qui marchait tête haute au milieu de ses gardiens. Il ne s'en trouvait que bien peu pour s'apitoyer sur la jeunesse de l'infortuné et lui faire entendre quelques paroles de compassion. C'était une époque terrible. Cette guerre fratricide d'alors compte parmi les plus sanguinaires de l'histoire. La génération d'aujourd'hui, qui sait seulement que les États-Unis forment un tout indissoluble, ne songe guère que cette unité si enviable n'a pu être cimentée que par le fer et dans le sang. Mais au jour où se déroule cette histoire, il n'y avait point d'ennemis plus haineux et plus irréconciliables que les citoyens des États du Nord et ceux des États du Sud. Quand on y pense, c'étaient les enfants de la même patrie, aussi braves, aussi forts, de cœur aussi généreux les uns que les autres, et doués d'un amour aussi ardent de la patrie comme il convient à un peuple vraiment noble. Les deux parties considéraient la victoire de leurs intérêts comme une condition absolument indispensable au bonheur de leur patrie bien-aimée. Les hommes du Nord voyaient dans le maintien de l'esclavage des nègres la plaie vive du pays, les États du Sud en considéraient la suppression comme sa ruine. Et les esprits avaient pris feu sur cette différence d'opinion et s'étaient montés jusqu'à la passion la plus effrénée. Un déchirement s'était produit d'un bout à l'autre de cette glorieuse nation. Le frère se séparait du frère, le père et le fils se trouvaient dans des camps opposés, les familles les plus saintement unies se désagrégeaient, sous l'empire du désir malsain de remporter sur l'adversaire la victoire finale. Aujourd'hui il n'y a plus ni sud ni nord, mais il n'y a qu'un peuple de frères unis dans sa force, sa fidélité et sa loyauté, sous la bannière de la Columbia, mère auguste. Mais jadis, lorsque ces passions se déchaînaient, la sympathie et la compassion étaient bannies du cœur des hommes. Donc l'oreille de Bill Cody était frappée d'imprécations sauvages pendant qu'il marchait entre les gardes, le long des rues du camp. Mais le jeune prisonnier opposait un fier mépris au regard menaçant et sinistre fixé sur lui. Il portait encore la tête haute lorsque les soldats, le poussant et le tirant brutalement, le fit rentrer dans la tente du généralissime et qu'il se trouva précisément dans la même chambre où, quelques heures auparavant, il avait comparu devant le général Forrest. Bill embrassa la pièce d'un regard rapide. On n'apercevait aucun indice de conseil de guerre. La vaste chambre était vide. Le général Forrest voulait-il l'interroger de nouveau avant de le faire passer en jugement? Bill ne put réfléchir longtemps à cette question. Il entendit un léger bruit de pas, et comme il se retournait, il vit les traits secs et anguleux de Don Ramiro. Celui-ci sortait de derrière la tenture comme d'une cachette. Il resta debout, les bras croisés, les yeux fixés avec gravité mais non sans bienveillance, sur le prisonnier à peine capable de prononcer un mot tant cette apparition le prenait à l'improviste. « Vous n'étiez pas préparé à me voir ici ?» demanda le sans-mêlé en retenant un sourire. Mais Bill s'était vite ressaisi. Tout ce qu'on lui avait dit de cet homme terrible lui était revenu à l'esprit, et en même temps la pensée des tortures morales qu'il avait voulu imposer à la douce et malheureuse Louisa. Il fronça le sourcil. Le noble feu d'une sainte colère étincela dans ses yeux et il dit « Sans aucun doute, je ne vous attendais pas ici. Mais maintenant que je suis en face de vous, tout devient clair, et surtout la source de mon infortune. » Don Ramiro riait avec indulgence. « Êtes-vous prêt à m'entendre ?» lui demanda-t-il à la fin. « Je n'ai nul besoin de me justifier devant vous. Si réellement je ne vous voulais pas de bien, je n'aurais, après une semblable effusion de cœur, qu'à vous faire, sans plus de cérémonie, emmener par les gardes et ne plus bouger. Vous seriez ce soir troussé bel et bien à la plus haute potence. Mais ce n'est pas cela que je veux. Je vous pardonne vos injures et vos calomnies, et j'entends vous sauver du péril où votre étourderie vous a entraîné. » Bill le regardait, ébahi. « Vous voulez me sauver, vous ?» Voilà tout ce que sa stupéfaction laissa sortir de ses lèvres après un instant de silence. Ramiro inclina la tête, puis il dit « Avant toute chose, nous allons causer d'homme à homme. Mais je ne peux pas supporter de voir qu'on vous ait attaché les mains derrière le dos. » Il frappa dans ses mains. « Délivrez le prisonnier de ses liens, » ordonna-t-il aux soldats qui entraient. « Dites aux nègres d'apporter des rafraîchissements. » Un torrent de vie ardente courut dans les membres de Bill lorsqu'il se sentit libre de tout lien et capable d'étendre ses bras à son gré. En même temps, les idées brouillées, il arrêtait ses yeux sur Don Ramiro qui riait avec bonhomie. Était-ce un jeu cruel dont il se divertissait à ses dépens? Ou voulait-il pour de bon lui conserver la vie et la liberté? Mais la cruauté monstrueuse dont cet homme avait fait tout récemment preuve envers l'innocente et charmante Louisa lui revint à l'esprit. Instinctivement, notre héros comprit que Don Ramiro était de ces natures qui sont le plus à craindre lorsqu'elles se montrent dans leur meilleure humeur. Ils ne parlèrent guère pendant que les soldats se retiraient et que les nègres mettaient sur la table un plateau chargé des rafraîchissements les plus alléchants lorsqu'ils eurent fini. « Et maintenant, » fit Don Ramiro plein d'entrain, « ne faites pas la petite bouche, jeune héros. Allez-y de bon cœur. Restaurez-vous d'abord et puis nous bavarderons. » Mais Bill secoua la tête d'un geste résolu. Fixant son regard franc sur le sang mêlé qui était venu prendre place à la table et allumer une cigarette, « Pardonnez si je refuse, même au risque de vous blesser, » dit-il vivement, « je n'accepte à manger à boire que de mes amis. »« Et n'en suis-je pas, hein ?» demanda Don Ramiro avec un calme imperturbable, tout en le guettant à travers ses paupières à demi fermées. D'un mouvement gracieux, Bill secoua de nouveau les boucles de sa chevelure. À chaque seconde, cet homme lui devenait plus antipathique. « Écoutez, » reprit subitement Don Ramiro, « vous savez que vous devez mourir irrémissiblement. » Bill fit un signe de tête. « Je le sais, mais la mort ne m'effraie pas. Mais il y a aussi une jeune fille qui doit mourir, à laquelle votre cœur est attaché. Votre Louisa, en un mot, » continua le sang mêlé. Bill eut un sourire insouciant. « Bah, Louisa est bien à l'abri. Elle est ravie de votre pouvoir et j'espère qu'avec l'aide de Dieu, elle aura dans peu de jours quitté ce pays. Croyez-vous ? » demanda l'autre, riant du bout des dents. « Comment un si grand héros peut-il être à la fois naïf et ignorant comme un enfant ? N'avez-vous pas vu le camp dans lequel vous êtes ? Je peux vous le dire sans scrupule, car vous n'êtes plus dangereux pour nous. Il y a encore une autre armée beaucoup plus grande que celle du général Forrest, sous le commandant immédiat de notre président Jefferson Davis. « Dieu damne les rebelles, abat Jefferson !» interrompit Bill en proie à une colère croissante. « Ne vous faites pas entendre des gardes dehors, ils vous mettraient en pièces, » fit observer Don Ramiro, toujours avec le même imperturbable sang-froid. « Et puis vous êtes cerné de tous côtés, et avant que votre fameux général Ulysse Grant se soit frayé de combat en combat un chemin jusqu'ici, vous serez tous exterminés jusqu'au dernier homme, et la route de Washington sera ouverte à notre glorieuse armée. Vous pouvez vous imaginer avec quelle rapidité votre président Lincoln sera nettoyé. Mais l'homme vit un jour, et le lendemain il n'est déjà plus. Je suis bien aise, mon ami, de pouvoir vous dire que la prochaine fois qu'il ira à Baltimore, il tombera victime d'une conspiration bien ourdie. Ah, vous êtes étonné, et vous ouvrez de grands yeux, mon maître. Vous n'étiez pas bien préparé à de tels éclaircissements. » Il s'interrompit au milieu du dernier mot. Bill s'était retourné. D'un bond, il fut à l'entrée de la tente. La pensée, plus que folle, de tenter une évasion lui avait traversé l'esprit. Abraham Lincoln, l'homme le plus aimé et le plus respecté de tout le Nord, auquel Bill avait voué un culte enthousiaste, était en danger d'être la victime d'un complot tramé dans le Nord. Il avait suffi à Bill de regarder le sang mêlé dans les yeux pour être sûr que ce n'était pas là vain verbiage, mais bien une effroyable réalité, et que les fils de la conspiration étaient tous réunis dans la main de ce Don Ramiro mystérieux. Mais son idée de passer d'un élan à travers les gardes et les gagner de vitesse pour essayer de fuir était pure folie, comme il devait tout de suite le reconnaître. Au premier bruit, l'intérieur de la tente s'était rempli de soldats. Les premiers entrés, avant que Bill eût pu penser à se mettre sur la défensive, appuyaient déjà leurs baïonnettes contre sa poitrine. « Arrêtez ! Un mouvement et nous vous perçons » criait-il encore. Cependant, Don Ramiro riait à demi-haut, comme s'il ne s'agissait que d'une innocente plaisanterie. « Retirez-vous, mes amis. Je vous remercie de votre vigilance. Ce jeune garçon que voici a dû reconnaître qu'il ne vaut pas la peine de perdre son temps à tenter une fuite impossible. » Lorsque le cliquetis des fusils et le pas cadencé des soldats se furent peu à peu évanouis, Don Ramiro se tourna vers Bill qui semblait anéanti par son échec. « Revenons à cette Louisa, » reprit-il du même ton impassible et comme s'il ne s'était rien passé. « Elle vous tient fortement au cœur, mon jeune ami. » Bill frappa du pied. Il mesura d'un regard irrité son interlocuteur et d'une voix entrecoupée par la colère. « Laissez cela. Je ne veux pas voir le nom de cette pure et gracieuse jeune fille souillée en passant par votre bouche. « Qu'est-ce que vous donneriez pourtant, mon garçon, si je vous garantissais non seulement la vie de votre bien-aimé, mais aussi sa parfaite sécurité à l'avenir ?» Bill opposait un regard clair et franc à ses yeux guetteurs. « Vous feriez cela, vous ?» Avec un signe de tête énergiquement significatif. « Oui, je le ferais, » répondit-il. « Mon bon garçon, vous devriez avoir suffisamment appris à connaître ma puissance. » Il se leva et marcha droit à lui. Bill eut beau chercher à se soustraire à son contact, le sang mêlé ne parut point s'en apercevoir. Au contraire, sans que sa physionomie marquât moins de bonhomie, il lui mit la main sur l'épaule. « Mon ami, vous me connaissez, » dit-il doucement. « Je ne suis pas naturellement cruel. Je ne tue qu'en cas de nécessité, lorsque j'y suis absolument contraint. J'aime mille fois mieux faire deux cœurs heureux que de les déchirer en les séparant. Et par-dessus tout, je rends hommage à votre courage personnel, si chevaleresque, à la vertu mâle et authentique telle que vous la personnifiez si complètement depuis vos jeunes années. » Il s'arrêta un moment comme pour lire l'effet de ses paroles sur les traits immobilisés de Bill Cody. « Ayez confiance en moi, mon ami, » poursuivit-il d'une voix douce et persuasive. « Sur ma vie, je le jure, votre sort est entre vos mains. » Il n'y a pas un autre homme sur la terre qui ait autant de trésors à sa disposition que moi. Je vous donnerai de mon superflu. Vous posséderez une magnifique ferme dans le sud, dans ce pays paradisiaque. De nombreux esclaves se tiendront à vos ordres. Je vous rendrai si heureux que vous n'aurez pas besoin d'exprimer un désir et que la vie passera pour vous comme un jour d'été. En vérité, jeune homme, je verserai la corne d'abondance et ses félicités sur votre tête, vouée maintenant à la mort, et sur celle de cette jeune fille qui n'est pas moins menacée. Vous n'avez qu'à étendre la main vers le bonheur offert. Est-ce que ce n'est pas là vous parler en frère? Après de telles paroles, pouvez-vous encore hésiter? » Mais le même sentiment instinctif, joint au souvenir du passé, prévenait toujours Bill contre cet homme. « Et voyez, mon ami, » reprit Ramiro, qui remarquait l'impression que ces paroles ne laissaient pas de faire sur le jeune homme, « tout cela et plus encore, bref, tout ce que vous pouvez rêver et désirer, je vous le donnerai. Il faut seulement me promettre votre foi. » Impétueusement, Bill répondit « Jamais !» Ses yeux jetaient des flammes, une révolte intérieure faisait frémir ses membres. « Jamais, ô grand jamais » répéta-t-il, étendant les mains comme pour écarter le tentateur et la tentation. Le tentateur insista. « Soyez raisonnable, il ne vous reste pas le choix. Non seulement il s'agit de la mort et de ses angoisses pour vous-même, mais je vous jure qu'en cas de refus de votre part, votre jeune fille souffrira le trépas le plus épouvantable. Pourriez-vous être assez insensé pour repousser, au moment suprême, sous l'influence d'un préjugé, la main que je vous offre ? » Bill Cody était dans un état d'agitation terrible. Il avait croisé les mains comme pour implorer la protection d'en haut et demander de ne pas faiblir à cette heure de crise. Mais il releva bientôt son visage où brillait un regard clair, et secouant d'un geste noble et puissant ses longs cheveux bouclés, il s'écria tumultueusement « Qu'est-ce que c'est qu'un préjugé? Et qu'est-ce que vous appelez de ce nom? C'est donc mon amour pour la patrie et pour le serment de fidélité que je lui ai prêté, par lequel je me suis donné corps et âme à elle, cette terre maternelle chérie. Quelle pitié! Comme il faut que vous soyez tombé bas, pour pouvoir seulement penser qu'un avantage matériel quelconque serait capable de me rendre infidèle à mon serment. Je suis un fils loyal de la patrie, j'aime ce glorieux pays, et c'est à lui qu'appartient mon dernier souffle. Le servir, pouvoir donner ma vie pour sa cause sacrée, fût sur un ignominieux gibet, c'est là ma joie, mon honneur, ma gloire. Je suis un Américain, et comme mes pères, je sais, moi aussi, mourir pour la liberté. » Et dans un mouvement de farouche enthousiasme, il ouvrit largement ses deux bras. « Oh, Columbia, chère patrie, écoute mon serment. Je le renouvelle en présence de la mort. Fidélité invariable, inébranlable, fidélité jusqu'à mon dernier soupir, à toi, ô pays de mes pères, terre nourricière de la liberté. Me voici, moi, ton fils, ton champion, et je te promets fidélité, fidélité même contre moi, fidélité jusque dans l'amertume de la mort. » Une sainte allégresse le transportait, sa voix éclatait claire et sonore. C'était comme la vibration d'une fanfare guerrière appelant les soldats fidèles au combat sanglant et décisif. Les sourcils froncés, les bras croisés sur la poitrine, Don Ramiro attendait, le visage hideusement contracté. À la fin, frappant du pied, il s'écria d'un ton de colère : « Fou que tu es ! C'est à peine si ta chère patrie connaîtra ta mort, héroïque ou non, cesse donc de chanter si bruyamment ses louanges. » Mais Bill Cody lui opposa un rire altier, et ses lèvres demeurèrent dédaigneusement closes. Puis, d'une voix encore plus retentissante, « Qu'est-ce que l'amour qui attend de la gloire ou des récompenses » demanda-t-il. Don Ramiro fit un dernier effort pour le ramener. « Mais prenez un peu de raison, mon garçon, » insista-t-il. « Qui vous dit que vous devez trahir vos compatriotes ? Je vous promets que je ne vous opposerai jamais aux hommes dans les rangs desquels vous avez servi. » C'est d'un tout autre côté que j'emploierai votre activité, et cette activité, autant qu'on peut le prévoir, je n'en aurai besoin que pendant quelques courtes semaines. Et qu'est-ce que vous demanderez de moi ? Fit Bill. Ses yeux cherchaient les yeux de son interlocuteur, mais celui-ci les détourna et les abaissa vers le sol. Jurez-moi fidélité, et vous le saurez. Bill ne retint pas un rire de mépris. Et vous croyez vraiment que je prêterai un serment dont je ne connaîtrai pas les conséquences ? Demanda-t-il avec une grande noblesse d'accent. « Jamais. Finissez cette conversation inutile et appelez les gardes pour me reconduire. » Don Ramiro réfléchit assez longtemps avant de répondre. « C'est bon. Je vais vous dire quelque chose qui vous permettra de mieux juger. » Il vint tout près du prisonnier et approcha ses lèvres de son oreille. Le sang mêlé parlait si bas que Bill eut de la peine à comprendre les quelques mots qu'il lui dit. Mais aussitôt le jeune héros recula, en laissant échapper un cri d'horreur. « Je dois assassiner Abraham Lincoln, l'homme le plus excellent que la terre américaine ait jamais porté, lui, le père de la patrie. Écartez-vous de moi, vil tentateur, ne souillez pas, par le voisinage prolongé d'un traître, un homme loyal, déjà sacré par la mort. » « Parfait, » dit Don Ramiro avec un calme effrayant. « Meurs donc, et la fille aussi. » Ma vie, je la donne volontiers. Celle de Louisa est dans la main de Dieu. Lui, le Tout-Puissant qui l'amour, aura pitié de mon amour et protégera Louisa contre vos cousins infâmes. Ça n'arrivera pas, mon garçon, ne comptez pas là-dessus. » Interrompit Don Ramiro avec un rire diabolique et un regard chargé de colère que Bill soutint sans s'émouvoir. Et si c'est la volonté de Dieu de ne pas éloigner de nous ce calice, ça ne sera pas une raison pour que je sois un traître. « Pauvre chère Louisa, le ciel sait combien je donnerais volontiers tout pour te savoir libre et heureuse, comme je sacrifierais volontiers ma vie pour assurer la tienne. Mais avant que je trahisse ma patrie, je laisserai plutôt la chère fille, oui, je laisserai plutôt Louisa souffrir mille fois l'amertume de la mort. Je l'atteste ici et maintenant, que le Dieu de miséricorde me soit en aide. » Une heure ne s'était pas écoulée lorsque le conseil de guerre sommé par le général Forrest entra pour juger Bill Cody. Le commandant-chef s'en était attribué la présidence. Dans ces conditions, ce ne pouvait être qu'une pure formalité qui allait se dérouler d'une façon tout à fait banale. Les objets saisis sur Bill étaient placés sur une table devant les juges. On y remarquait particulièrement le laissez-passer du général Smith qu'on avait trouvé sur le prisonnier en le fouillant. « Oh là, mon garçon, dit en manière de salut le général à Bill Cody debout entre ses gardes. « Te voilà donc, c'est parfait. Je pense que nous pouvons faire court. En bonne justice, il y a longtemps que tu devrais être pendu. Ainsi, et tout d'abord, tu nies être un espion ? Naturellement, cette racaille n'a point le courage qu'il faut pour dire la vérité. Ramiro, faites-moi l'amitié de raconter succinctement au juge ce que vous savez. » Le sang-mêlé s'apprêtait à se rendre à la requête du général. Mais à ce moment, Bill, dévisageant les juges de ses yeux pleins de flammes, se leva fièrement et s'écria « Halte-là ! Qui a dit que j'étais un lâche ? C'est vous le lâche, général, qui osez agir ainsi avec un homme sans défense. » Les soldats le firent taire à coups de crosse. L'un d'eux appliqua son poing calleux sur sa bouche et l'empêcha violemment de dire un mot de plus. « Bon, laissez le bouffon plaisanter. Il sera bientôt devenu sourd et muet pour l'éternité, » fit le général sans s'émouvoir. « As-tu quelque chose à dire pour ta défense ?»« Rien, » répondit Bill dès qu'il put parler de nouveau. « Je ne veux point de défense, car je reconnais librement et hautement que je suis un soldat de la glorieuse armée du Nord et que c'est sur l'ordre de mes chefs que je me suis introduit dans le camp. » Ma mission n'a pas été couronnée de succès, mais cela ne fait rien. Mes camarades, sans nouvelles de moi, sont prêts à vous tailler en pièces, en gros et en détail, et vous pouvez compter là-dessus. » Quelques-uns des juges du conseil murmurèrent. Les soldats le menacèrent de nouveau avec leurs crosses et leurs baïonnettes, mais le général les arrêta en levant la main. « Laissez ce garçon, il a le cœur sur les lèvres, » dit-il. « Je suis curieux de voir s'il sera mourir pour sa cause aussi bien qu'il sait faire des phrases. » « Vous le verrez dès que vous m'aurez condamné à mort, » dit notre héros simplement. « C'est une chose à laquelle on aura vite pourvu, et la pendaison ne sera pas moins prompte, » déclara le général Forrest en grimaçant un rire. Il se tourna vers les assesseurs. « Quel est votre sentiment, messieurs ? » dit-il, et sans attendre leur réponse. « Je pense que nous allons clore les débats et prononcer le jugement. »« L'accusé à vous, » dit l'accusateur public. C'était un major au regard sinistre, avec un teint de créole auquel il n'y avait pas à se méprendre. « C'est un espion, et il a été pris sur le fait. Je propose la peine de mort par la pendaison. Plaise au conseil de condamner le soi-disant Fred Williams, en réalité Bill Cody, de Leavenworth, à être pendu par le coup jusqu'à ce que mort s'ensuive. Dire en outre que cette sentence sera exécutée aujourd'hui avant le coucher du soleil. » Les juges d'un signe de tête acquiescèrent. Déjà, le général se préparait à signifier la sentence quand le sang-mêlé intervint subitement. « Je demande que l'exécution soit différée jusqu'à demain matin avant le lever du soleil, » dit-il formellement. « Mais ça ne se fait pas. La sentence et l'exécution doivent se succéder le même jour. C'est la coutume en temps de guerre. » Les juges du conseil, très excités, parlaient tous ensemble. Les soldats de garde dans la tente murmuraient. « Quoi qu'il en soit, je l'ordonne, » dit Don Ramiro, hautain. Il ne paraissait être connu d'aucun des officiers et des soldats présents, à l'exception du général. Des manifestations menaçantes contre le téméraire qui osait se mettre au travers des décisions du conseil se produisaient bruyamment. « Je suis ici avec les pleins pouvoirs et à la place de Jefferson Davis, » dit Don Ramiro sans s'émouvoir de cette tempête de sentiments hostiles déchaînée autour de lui. « Général Forrest, je vous ordonne d'exécuter la sentence de mort rendue par le conseil de guerre, mais d'en différer l'exécution jusqu'au prochain lever du soleil. » « Je proteste contre cette prolongation inutile de mon supplice, » s'écria Bill d'une voix sonore. « Conduisez-moi au gibet. Comptez-vous du moins comme des hommes de bonne foi et non comme de perfides peaux-rouges, puisque je ne dois plus vivre. Accordez-moi au moins une prompte mort. » Mais le général ne tint pas compte de cet appel. « Il en sera comme le dit Don Ramiro, » déclara-t-il aux membres du conseil qui l'interrogeaient, étonné. Don Ramiro représente avec des pouvoirs illimités notre glorieux président Jefferson Davis. Au nom du peuple, j'ordonne que Bill Cody, convaincu de trahison, soit pendu demain matin avant le lever du soleil. » Il fit signe aux gardes de ramener le prisonnier. En même temps, il levait la séance du conseil. Les juges militaires se pressaient déjà autour du sang-mêlé, rivalisant de flatteries pour lui plaire. Les soldats reconduisirent le condamné au grand poste de la garde du camp. C'était sur une place découverte, non loin de l'entrée principale. À une centaine de pas environ se trouvait le bouquet d'arbres où pendaient les cadavres des deux espions, autour desquels s'assemblaient, toujours plus nombreux, des vautours aux aguets et d'autres voleurs emplumés. Ce poste se composait d'une cinquantaine d'hommes. Les soldats avaient allumé un feu de bivouac et y préparaient leur repas. Les sentinelles, l'arme au bras, entouraient d'un cordon ininterrompu l'espace occupé sur la place par le poste et son feu. Un peu sur le côté de celui-ci se trouvait le profond trou palissadé où Bill allait encore passer la nuit enchaîné et sous bonne garde. Les soldats se préparaient à bien s'amuser, en empoisonnant les dernières heures du malheureux par toutes sortes de vexations et en le faisant souffrir de leur mieux. Mais notre jeune héros était blindé contre ces mesquines et odieuses piqûres d'épingles. Il n'avait plus beaucoup d'heures à vivre. Déjà, le soleil traînait ses rayons obliques sur le camp. Quelques instants après, ils avaient disparu derrière les collines boisées. On sait qu'en Amérique, il n'y a pas de crépuscule. Tout à coup, il fit sombre tout autour du jeune homme, sombre comme dans son âme. L'avenir ne contenait plus un jour que le pauvre condamné à mort pût appeler le sien. Les feux du camp éclatèrent en flammes claires. Ils semblaient monter comme des colonnes embrasées vers la voûte de plus en plus sombre du ciel. Parfois, si une bûche nouvelle jetée dans le feu avivait l'éclat d'un bivouac du poste central, il jaillissait des gerbes folles d'étincelles jusqu'à la colline aux sapins où les corps des exécutés, doucement agités par le vent du soir, oscillaient lugubrement. Une ombre se dressa devant Bill. Comme il regardait, il vit les yeux scrutateurs de Don Ramiro fixés sur lui. « Toujours prêt à mourir ?» demanda le sang mêlé d'un accent railleur. Avec un dédain suprême, Bill inclina la tête sans donner d'autre réponse au maudit. Il avait cru qu'il en avait fini avec lui, comme avec le monde entier. Don Ramiro, sans insister, se retira en riant. C'était un rire méchant et diabolique qui pénétra dans le cœur blessé du malheureux Bill comme une lame à double tranchant.